Bonsoir. Dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, Louise Michel, soldate de la Commune. Mars 1871, l'image est saisissante. Alors que l'aube se lève sur Paris et que le tocsin sonne à toute volée, une foule d'hommes, de femmes et d'enfants se précipite en haut de la butte Montmartre. Il faut défendre nos canons, l'armée de Thiers veut les reprendre. Les Parisiens et le monde ne le savent pas encore, mais ce jour qui commence sera le premier de l'expérience grisante et héroïque, fugace et sanglante qu'on appellera bientôt la Commune. Un homme, carabine à la main, court dans les rues donner l'alerte. Mais à y regarder de plus près, ce n'est pas un homme. C'est Louise Michel, la républicaine, féministe, pédagogue, poétesse, amie de Victor Hugo, qui dans la nuit a troqué fébrilement sa robe noire d'institutrice pour l'uniforme de la garde nationale. Comment aurait-elle pu rester sagement à la maison avec maman alors que l'heure de la liberté avait enfin sonné ? Oui, reconnaîtra-t-elle plus tard, barbare que je suis, j'aime le canon, l'odeur de la poudre, la mitraille dans l'air, mais je suis surtout éprise de la Révolution. Vierge rouge pour les uns, louve avide de sang pour les autres, c'est donc à Louise Michel, femme attachante et étonnamment moderne, que cette émission est consacrée. France Inter, Stéphanie Duncan, autant en emporte l'histoire. Xavière Gauthier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, autrice, la créatrice en 1975, on peut le rappeler, de la revue féministe Sorcière. Et vous êtes une des rares spécialistes de Louise Michel, à laquelle vous avez consacré plusieurs livres. Et vous avez passé aussi des années dans les archives du monde entier à rechercher des lettres d'elle et reconstituer son importante correspondance que vous avez éditée en 2000. Louise Michel a été pendant très longtemps la seule femme, ou une des rares, peut-être avec Jeanne d'Arc, à être célébrée dans l'histoire de France, avec des monuments, des plaques de rue. Il semble qu'elle a une double image, Xavier Gauthier, celle d'une femme dévouée aux autres, un peu vieille fille, un peu triste, ou alors au contraire la révolutionnaire exaltée et violente. Où est-elle là-dedans, la vraie Louise Michel, selon vous, Xavier Gauthier ? Mais la vraie Louise Michel, c'est les deux. Il y a une caricature qui la représente habillée comme une bonne sœur avec une cornette, et d'un côté, elle tient un fusil, et de l'autre main, elle tient un soldat qu'elle a ramassé. Et elle est les deux. Elle est la bonté même, la générosité même, et elle est quelqu'un qui tue. Elle prend un fusil et elle tue. Alors, l'histoire que je vais raconter ce soir commence donc en mars 1871 à Paris, un tournant sans doute dans la vie de Louise Michel. À ce moment-là, elle a 40 ans. Elle était quand même déjà sous le Second Empire, une figure de la contestation. Par quel chemin, Xavier Gauthier, est-elle devenue une révolutionnaire ? Oui, c'est venu assez lentement. Elle était d'abord royaliste dans son petit village de Vroncourt en Haute-Marne. Et elle dit que sous l'influence d'un homme qu'elle appelait son grand-père, mais qui était peut-être son père, là, c'est un peu compliqué. Ah, c'est une histoire compliquée. Oui, compliquée. Sa naissance en elle-même est compliquée. C'était une bâtarde et on ne sait pas qui est son père. Oui, sa mère était une servante dans un château et elle a couché sans doute avec le fils de la famille ou le père, enfin, on ne sait pas très bien. Ou le père ou les deux. On ne sait pas. On ne saura jamais d'une façon certaine. Et donc, le vieux châtelain, elle l'appelait grand-père. Il s'est beaucoup occupé d'elle et il avait des idées assez voltairiennes, assez républicaines. Alors qu'il s'appelait De Maïs. Voilà. Au départ, c'était un noble. Et elle avait, du côté de sa mère, des oncles anarchistes qui lisaient beaucoup, qui avaient des bibliothèques. Bon. Donc, dès le départ, elle a un côté à part, et elle a un côté rebelle. Et petit à petit, surtout quand elle vient à Paris, cette rébellion prend la forme républicaine et révolutionnaire, parce qu'elle est institutrice à Montmartre, et Montmartre, c'est vraiment à la fois le lieu de la misère et le lieu de la contestation. De la contestation bien organisée, déjà. Et c'est là qu'elle deviendra présidente du comité de vigilance des femmes du 18e. Donc, elle aura une insertion politique très nette à ce moment-là. Et c'est déjà une pédagogue assez hors norme, Louise Michel. Oui, alors elle adore enseigner, elle adore être institutrice, et elle le fait avec des méthodes originales. Elle fait jouer des pièces de théâtre à ses élèves, elle leur montre des animaux, et ses élèves l'adorent, parce que, à Montmartre, c'est la misère terrible. Ces petites filles, elles ont faim, et elle leur donne aussi à manger en même temps. Elle l'adore. Et cette femme, Louise Michel, elle veut être poétesse, elle veut être écrivain. autant qu'on sache ce qu'elle veut. Les lettres qu'elle écrit à Victor Hugo quand elle est une jeune fille dans son vieux château de Vroncourt, elle dit « Je veux être poète comme lui, son modèle c'est Victor Hugo ». Et toute sa vie, elle a écrit des vers et elle a écrit des romans, des nouvelles, un opéra, des pièces de théâtre, des essais, le début d'une encyclopédie, tous les genres littéraires. Alors l'histoire, je l'ai dit, donc commence la nuit du 17 au 18 mars 1871. Pendant 72 jours après, Paris va vivre l'incroyable aventure de la Commune. Mais comment en est-on arrivé là? C'est la chute du Second Empire, la défaite de Sedan qui ont amené cette situation révolutionnaire? Tout à fait, bien sûr. Et le fait que les ouvriers commencent à vraiment s'organiser et à prendre conscience que leur situation est intenable et la rébellion est une rébellion de toute une partie de Paris. Paris est très très divisé en quartiers. Dans les quartiers populaires sont en rébellion permanente. Et Paris est très différent aussi du reste de la France. Aussi, qui est plus conservatrice. Tout à fait. Et évidemment, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est le cas de le dire, c'est la défaite de Sedan et les Prussiens qui sont aux portes de Paris. Et les gens considèrent que le gouvernement et l'armée n'ont pas fait ce qu'il fallait pour les repousser. Oui, Paris refuse la capitulation qui va être signée malgré tout en janvier 1871. Les Parisiens refusent donc cette paix et se rebellent aussi contre l'Assemblée nationale qui confie l'exécutif à Thiers, qui est favorable à une restauration monarchique. Et donc le peuple de Paris se soulève et veut absolument pas rendre les canons que Thiers souhaite récupérer parce qu'il craint une révolution à Paris. Tout à fait. Les canons qu'en plus, ils ont payés. Ce sont les gens du peuple, en donnant quelques sous, qui ont payé ces canons. Ils y tiennent. Xavier Gauthier, je propose qu'on se retrouve dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Louise Michel, soldate de la Commune. Un texte de Christine Spianti, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Il faut attendre. Cette nuit n'en finit pas. Un coup de canon à blanc sera tiré en cas d'attaque. Y aura-t-il des blessés? Devrons-nous tirer? Place de l'hôtel de ville, j'ai fait mon premier coup de feu. Oh mon Dieu. Risquer de tuer un homme. Il dort. Pas étonnant, il a bu toute la bouteille. Ce type nous raconte des histoires. Il s'est pointé hier soir, envoyé par la mairie, à ce qu'il disait. Turpin est allé demander, personne ne le connaissait. Je le garde à l'œil, le coco, sûr que c'est un mouchard. On a bien fait de l'arrêter. Thiers a envoyé ses mouchards sur la butte, ça veut dire que quelque chose se prépare. On dirait des cris. Non, je vois rien. On voit rien d'ici. 18 mars 1871, 3 heures du matin. Louise Michel, en costume de fédéré, pantalon de drap bleu foncé à bandes rouges aux côtés et veste à boutons dorés, fait le guet en haut de la butte Montmartre, au poste de la garde nationale. C'est une maison bourgeoise laissée à l'abandon cet hiver lors du siège de la capitale par les Prussiens. En face, dans ce qu'on appelle le champ des Polonais, sont disposés 171 canons achetés grâce à une souscription des Parisiens. Pas question de les rendre. Louise est chargée de les surveiller. Alertée par des bruits, elle va réveiller Germain Turpin, un garde national de 36 ans, maçon de son métier. Turpin. Turpin. Turpin. Je crois qu'il se passe quelque chose. Quoi? Il y a du bruit. Au moulin de la galette, je crois. Bon, je vais faire un tour. Garde un œil sur le mouchard. Personne dans la rue. Qui va là? Attention! Sommation visage! Éloignez-vous de 30 pas ou je mets en joue! Turpin! Turpin! Turpin! T'es blessé! Oh, ça venait d'où, t'as vu? La troupe, autour des canons. Ils sont nombreux. Oh. Turpin. Je saigne. Attends, bouge pas comme ça. Soulève-toi un peu, que je fasse le bandage. Ah, ça va aller. Non, parle pas, parle pas. Clémenceau, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu du grabuge. J'étais à la mairie. Ils viennent de tirer, ils sont pas loin. Mais c'est Turpin. Laisse-moi voir. Ah, t'as déjà fait le pansement? Il est blessé à l'abdomen. L'hémorragie est arrêtée. Ça va aller, Turpin. Mauvaise blessure. Comment ça s'est passé? Il faisait le tour de garde au champ des Polonais. Je sais pas d'où c'est venu dans le noir. Thiers annonçait hier par affiche qu'il allait recourir à la force. L'ordre va renaître. Bah, quand on parle d'ordre, c'est que le sang va couler. On s'en est préoccupé comme d'une déclaration du roi d'Agobert, on n'aurait pas C'est grave. Dites pas non, docteur. Je le sais. Monsieur le maire, si jamais... Vous veillerez sur ma femme. Hein, Clémenceau? Si jamais que je la laisse pas sans rien. T'inquiète pas, Turpin. Je veillerai sur elle. Tiens bon, mon garçon. Tu t'occupes de lui? Je vais donner l'alarme. Cache ton fusil sous ton manteau. Je sens que la journée n'est pas terminée. Louise Michel court battre le rappel dans les ruelles de la Butte. Georges Clémenceau, 30 ans, est le maire radical socialiste de Montmartre, grand admirateur de la démocratie américaine. Il a vécu 4 ans aux États-Unis comme correspondant d'un journal. Médecin, il a ouvert un dispensaire populaire sur la Butte, où Louise Michel dirige une école pour enfants pauvres. Durant l'hiver 1870, la mairie dispensait des vivres et du bois de chauffage aux écoles. Louise et Georges ont été amenés à travailler ensemble. Une amitié est née. Dans le petit matin, Louise va de porte en porte. Elle aperçoit Théo Ferré. Fils d'un modeste cocher, c'est un proche d'Auguste Blanqui, ce révolutionnaire socialiste qui s'est opposé à la reddition devant les Prussiens. Louise, Théo et sa sœur Marie, une jeune modiste, se mêlent à la foule qui gravit la Butte. Arrivée au sommet, dans le champ où plus tard sera construit le Sacré-Cœur, la foule s'interpose entre la troupe et les canons. Marie, Théo, vous savez quelque chose? Ils sont dans les 6000. Des gendarmes à cheval, des chasseurs africains, des sergents de ville, tout mélangé. Il y a des mouchards partout. Ah oui, on en a un prisonnier au poste. Tu sais, le grand qui traînait hier autour des canons. Il a dû s'échapper pendant que je soignais Turpin. Quoi? Turpin est blessé? Oui, il est sorti et ils étaient déjà là. On est arrivés. Les canons n'ont pas bougé, mais j'ai entendu dire qu'ils ont monté des chevaux pour les atteler. J'arrive de Belleville. Ils se battent là-bas aussi pour garder leurs canons. Tout le monde compte sur nous. Allez, venez, on va se mettre devant les canons avec les autres. Il va falloir qu'ils passent sur le corps des blanchisseuses, des marchands de vin, des laitières, des lingères, des ouvriers. Tout le monde est là. Oh, on voit rien. Attends, je vais monter sur un canon. Oh ! Le général Lecomte ! Il va ordonner de faire feu ! Regardez, les soldats mettent en joue ! Qu'est-ce que vous faites là, soldats ? Vous allez quand même pas tirer sur le peuple ! Louise, c'est pas ta mère là-bas ? Oh Seigneur, mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Bouge pas, Louise. Une balle perdue est vite arrivée. Les soldats mettent l'arme au pied. Hein? Ils veulent pas tirer! Vive la République! Vive la République! La victoire! En chantant, nous ouvre la barrière. La liberté guide nos pas. Et du nord au midi, la trompette. Contre toute attente, n'obéissant pas aux ordres du général Lecomte qui par 3 fois les somme de faire feu, les soldats fraternisent avec la foule. Le général est arrêté. Après quelques échauffourées, place de Clichy, au Butte-Chaumont et à Belleville, les troupes de Thiers sont repoussées. Paris et ses fédérés volontaires de la garde nationale organisent la résistance pour défendre la République. Ils dépavent les rues et montent les barricades. L'insurrection commence. Dormir, comment dormir? Le premier jour de la Révolution, on l'a tant attendu. C'était beau Montmartre ce matin aux premières lueurs du jour, même si en haut il y avait une armée prête à nous tirer dessus. Et Théo, comme il souriait. Quelle peur en voyant ma mère au milieu des canons. Et maintenant, l'insurrection c'est rien. Il nous faut la Révolution sociale. sauver les affaires publiques. Et pas n'importe comment. Le peuple de Paris doit décider de son destin, dans une vraie république. Non, je pourrais pas dormir. Si j'allais au poste de la garde nationale, il y a peut-être encore des gens. Mon cher Victor Hugo, qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Lui, le maître si indulgent, qui disait que mes vers étaient doux comme mon âge. J'avais 20 ans. Louise Michel s'habille rapidement et grimpe la rue dans Montmartre endormi. Il y a quelques années, elle fréquentait les cours du soir de la rue Hautefeuille. C'est là qu'elle a commencé à se politiser dans les cercles blanquistes. Le but de son engagement est la révolution sociale. Un ordre social basé sur l'individu qui travaille et, en retour, reçoit ce dont il a besoin. Les privilèges du capital par héritage et des rentiers sont supprimés et les plus faibles protégés. Il y a longtemps que le mot de Victor Hugo, « détruire la misère », gouverne sa vie. À 20 ans, elle lui a envoyé des poèmes. Il a répondu et ils sont restés très liés. Aujourd'hui, 18 mars, à la Bastille, on a vu passer le convoi funèbre qui emportait Charles, son fils, au Père Lachaise. Ce drame personnel va tenir Victor Hugo loin des événements de la Commune. À proximité du poste de la garde nationale, Louise retrouve Clémenceau. Ah Louise, avec ton châle rouge. Justement, je pensais à Hugo. Cette nuit doit être bien sombre pour lui. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Bordeaux, après l'invasion prussienne. On a démissionné de nos sièges de députés ensemble. Charles est décédé là-bas, on l'enterre aujourd'hui. Étrange, non? Le premier jour de l'insurrection. On m'a dit de passer au poste. Tiens, mais c'est Théo? Sur le mur, ces traces de sang, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ils ont exécuté le général. Quoi? Qui a fait ça? Cet après-midi, j'étais au comité, rue de Clignancourt. On est venu me dire qu'il y avait deux généraux prisonniers à Châteaurouge. J'ai tout de suite écrit au commandant qu'il garde les prisonniers en sûreté le temps qu'on décide de ce qu'on allait en faire. Il y a tellement de choses à régler. Mais comment est-ce possible? Mon ordre est arrivé trop tard à Châteaurouge. On les avait déjà conduits ici. Le général Lecomte, c'est celui de ce matin qui donnait l'ordre de tirer sur la foule. Mais l'autre, qui c'est? Le général Clément Thomas. Il a été reconnu en train d'espionner la barricade des martyrs en civil. Ils se sont enragés contre lui. L'ont criblé de balles, là, contre le mur. À peine il était face contre terre qu'ils ont couru chercher le comte. Et moi qui étais à la mairie en train d'essayer de calmer les choses. On s'est parlé ce matin avec le comte. Je voulais évacuer Turpin vers la Riboisière pour qu'il soit soigné. Ah ça, j'ai dû parlementer. Il voulait pas me laisser passer. Et puis là... Pierre, c'est lui le responsable. Il a provoqué l'insurrection. Il croyait pouvoir s'en rendre maître facilement. Thiers a été élu. Il faut respecter l'ordre républicain. Cette insurrection est illégale. Paris n'a pas le droit de s'insurger contre la France et doit accepter l'autorité de l'Assemblée. L'insurrection est un devoir si la République est menacée. Mais assassiner des généraux. Les militaires ne font qu'obéir. Les fusiller alors qu'ils étaient prisonniers, c'est lâche, ça je te l'accorde. Cet assassinat est un drame. Un drame. Et à l'hôtel de ville, Dieu sait ce qui se passe. Ah, tu sais, le comité de la garde nationale a pris la direction des opérations. Le mot d'ordre, c'est barricade partout, ne pas attaquer. Oui, mais pour le reste, est-ce qu'on doit occuper les ministères? Comment positionner les gardes nationaux? Ça, on sait pas. Pendant qu'ils tergiversent, Paris est grand ouvert. Et Thiers, c'est sûr, va récupérer ses trois régiments, les batteries et les canonnières, les retaper et nous les renvoyer, oui. Le comité va sûrement décider d'organiser des élections municipales. Oui, il faut élire les membres de la nouvelle assemblée municipale, mais ils auront un mandat impératif. La démocratie directe, c'est ça? Oui, Clémenceau. Un mandat impératif. Comme ça, ils seront contrôlés par les citoyens, irrévocables, de vrais porte-parole. Avec un seul objectif, respecter la volonté générale. Et ça, c'est que le début. Les conservateurs ne laisseront jamais faire ça. Thiers a fait arrêter Blanqui hier. Il est peut-être le chef qui va manquer à la commune. Le peuple va se gouverner lui-même. Je lui fais confiance. Oui. Et Thiers, le type même du bourgeois cruel et borné, va s'enfoncer sans broncher dans le sang, la guerre. Ah tiens... Je peux discuter. Georges, il est aux côtés du peuple. Mais il voudrait négocier avec ce gouvernement de traître à la France. Sa position est intenable. Oui, ça va pas s'arranger. Thiers s'est enfui. Enfui? Oui, il était réfugié au ministère des Affaires étrangères. Quand il a appris la fraternisation des troupes avec les Parisiens, il a pris un escalier dérobé, direction Versailles. Ça se finit comme ça? gouttière sous les plafonds dorés de Versailles. La restauration monarchique est donc en marche. Il va préparer la contre-attaque. Je vais y aller, moi, à Versailles, et faire ce qui doit être fait. Deux victimes, Thiers et moi. Et la République sera sauve. L'assassiné. Tu crois pas que l'exécution des généraux a fait assez de dégâts comme ça? Je me laisse emporter. On n'a plus toute sa tête. Il faut peut-être se préparer à mourir pour la République. À la mort, j'irai comme à la fête. Tu dis ça. C'est vrai. On souffre avec son époque. Mais on peut aussi être heureux avec elle. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. On peut qu'être brave. Mais demain, qui sait, viendra le bel été de la Révolution et de l'amour. Oh, écoute, l'alouette. Le jour arrive. Oui, le bel été. Peut-être. Mais ce soir, on doit se demander sur quelle force compter. Les femmes, Théo. Au moment du danger, aux barricades, les femmes seront là, comme vous, nos frères, tous solidaires. Vive la République universelle! Le 26 mars, les partisans de la Commune remportent les élections municipales, marquées par une forte participation. Dans le 18e arrondissement, succédant à Clémenceau, Blanqui devient maire alors qu'il est en prison. Deux jours plus tard, le nom de Commune est donné à l'Assemblée municipale. Elle légifère par décret. Les premières mesures sont prises en urgence. Remise de 3 trimestres de loyer, rétablissement du salaire des gardes nationaux, étalement sans intérêt des créances pour le commerce et l'industrie. Le 2 avril, la Commune décrète la séparation de l'Église et de l'État et la nationalisation des biens du clergé. Dans son école, Louise Michel pratique l'enseignement laïque. Fournitures scolaires et repas de midi sont fournis par la mairie. Ah, je suis contente de revenir dans ma salle de classe. Je suis soldat depuis 15 jours. Mes chers élèves me manquent. Pourquoi élever les filles dans la niaiserie? C'est priver le monde de la moitié de son intelligence, comme s'il y en avait trop. Oh, mes livres de lecture, au même endroit sur le bureau. Ah zut, il n'y a plus de graines pour les canaries. Lundi 17 avril 1871. Allez, je vais embrasser ma mère, lui raconter quelques mensonges, changer de chemise et courir à l'infirmerie embrasser Marie. Après, je retourne au combat. Dimanche 16 avril 1871. La Commune a engagé une série de réformes inédites. Liberté de la presse, suppression de la peine de mort, interdiction du travail de nuit dans les boulangeries, réquisition des logements et des ateliers abandonnés pendant le siège et leur attribution à des coopératives ouvrières après indemnisation des propriétaires. Mais depuis le 2 avril, Thiers, fort d'une armée de 130 000 hommes, les Versaillais, a entrepris la reconquête de la capitale. En face, 35 000 gardes nationaux, dont Louise Michel, qui combat avec son bataillon Montmartre III à la défense des forts militaires au sud de Paris. De passage sur la butte, bombardée par les monarchistes, elle rejoint Marie à l'Élysée Montmartre, une salle de bal transformée en infirmerie. Marie, je suis contente de te voir. Ah, Louise, je commençais à m'inquiéter. Et ta cheville? Oh, une entorse, c'est rien. Ça va? T'as l'air triste. C'est ma mère. Elle dit que je serais plus utile à tous en étant écrivain plutôt que révolutionnaire. Si elle savait que je tire au fusil, que je risque ma vie. Il y a un monde ici. Qui est-ce qui crie comme ça? Un Versaillais. On manque de bandages et de pansements, cet asticot-là passera après. Raconte, tu t'es battue? On a pris fort ici. L'un des nôtres a eu la tête emportée par un obus. T'aurais vu ça, on avançait en file la nuit à travers les bruyères, l'odeur de la poudre. La mitraille dans l'air. T'as pas eu peur? Oh, tu parles que si. Mais les camarades de Montmartre sont là, on peut vraiment compter les uns sur les autres. Oh, viens, on va pas le laisser comme ça. Tu as mal? Je crois que c'est fini pour moi. Vous voulez pas, mademoiselle, une chanson? Une chanson? La République nous appelle, sachons vaincre ou sachons périr. Un Français doit vivre pour elle, Pour elle, un Français doit mourir. Versailles ou fédéré, la guerre pour nous autres, c'est tous les jours. Et je suis couvreur, moi. Vous savez pas, vous... C'est ce que tu crois. On travaille, nous aussi. Louise, elle y était encore ce matin, à se battre. 61e bataillon de marche de Montmartre. Et il paraît que je suis pas mauvais soldat. J'ai une petite carabine Remington. Et j'y retourne, hein, cette nuit. De l'eau. Toi, on se demande bien pourquoi t'es Versaillais. Moi, je suis du côté des vainqueurs. J'ai été blessé à Passy. On a déchargé les mitrailleuses, mais on n'est pas passé. Un jour ou l'autre, on passera. Et vous serez vaincus. Jamais. Paris se défendra. Et dis-moi, tu appartiens au parti du privilège et de la loi du capital. Et tu dis que t'es couvreur et que t'as même pas de quoi vivre. Oui, ça c'est vrai. Ne vois-tu pas comment le capitaliste s'enrichit et te laisse à toi juste de quoi ne pas mourir de faim ? Tu l'ignores, mais tu portes en toi, petit gars, une société nouvelle. Vous faites la leçon comme à l'école, vous. Écoute-moi. La commune, c'est justement ça. Le droit de l'homme, le peuple maître de ses destinées, le droit de vivre en travaillant. C'est ça notre programme. L'intelligence collective, l'égalité. Parce que la vraie liberté, c'est l'égalité, tu comprends ? Oh là là, c'est trop compliqué. Et puis c'était blabla. Ah oui ? T'as vu ce qu'on a fait en un mois ? Tes frères et sœurs, ils vont à l'école gratuitement. Ils apprennent à lire. Ils font des mathématiques. T'aurais pas aimé ça, toi ? Si, bien sûr. Je suis ignorant comme une bête. Alors comme ça, vous êtes soldat ? Vous vous battez ? Tu ferais mieux d'écouter ce que je te dis au lieu de rigoler. L'autorité d'un seul, c'est un crime. La justice, c'est l'autorité de tous. Tu comprends ? Tu es sous les ordres de qui ? Galifet. Vous l'appelez le marquis aux talons rouges. Les prisonniers fédérés, il les fait défiler. Et à ceux qui ont les cheveux gris, il dit : vous, vous avez fait 48 ? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Mitraille. Oh, c'est moche. Des vieux. Nous, c'est le général Dombrovski, notre chef militaire. Hé. Hé, soldat. Il dort. T'as vu comme ça l'a étonné, une femme soldat ? Le jour où nous dirons « c'est assez comme ça, gare aux femmes », ce sera fini du vieux monde. Et Théo, toujours délégué à la Sûreté Générale ? Ah, ça, on est fiers, hein ? Jour et nuit à la commission. T'aurais pas voulu un poste, toi ? Oh, Marie, qu'est-ce que c'est, un poste ? Gardez vos vieux titres, messieurs. Ce que nous voulons, c'est la science et la liberté. Je file. Louise, fais attention. Dimanche 21 mai 1871. Entre 18h et minuit, les Versaillais entrent dans Paris par la porte de Saint-Cloud, laissée sans défense. Ils envahissent Paris et organisent le massacre systématique des insurgés. C'est le début de la semaine sanglante. On se bat au canal Saint-Martin, au bassin de la Villette, au Père-Lachaise et au Butte-Chaumont. Le mercredi suivant, à la tombée de la nuit, Louise Michel tient la barricade rue de Clignancourt, alors que Paris brûle. Voyons, combien sommes-nous encore sur cette barricade ? 7 seulement. Il faut tenir. Et notre révolution sociale, on est si près du but. Dombrovski, qu'est-ce qu'il peut faire avec 3000 hommes contre 10 000 ? Il est venu tout à l'heure, il m'a dit « nous sommes perdus », il me tendait les mains. Non, non ! Le tiers s'est entendu avec Bismarck pour faire libérer les soldats. Il aurait du café. Les paysans, ils s'en prennent à nous. Les Versaillais sont sur le boulevard. Il paraît qu'on leur fait boire de l'alcool mêlé de poudre pour en faire des bouchées. Vieille recette. On arme le peuple contre le peuple. Les canons de Montmartre, réguliers comme des horloges. Bon, parfois le tir est trop court et nous tombe dessus. Qui va là ? Ah, c'est toi, Théo. Louise. Qu'est-ce que tu fais là ? Les Versaillais sont sur la butte. Vous n'êtes que 3 ici ? Oui, on s'est espacé. Je cherche Dombrovski. On m'a dit qu'il est blessé. Non ! C'est la débâcle, s'il paraît. Et il est passé ici il y a quoi ? 2 heures ? Et Marie ? À l'Élysée Montmartre. On y entasse les cadavres. Un carnage. J'y vais. Adieu, Louise. Oh, alors, c'est fini, Théo. On tient encore la butte aux cailles et le faubourg Saint-Antoine. Tant que nous sommes debout, c'est pas fini. C'est la curée froide. Quartier par quartier, on tue sans pitié. De la vie, je n'attends ni douleur, ni joie. Je ne suis bonne que pour le combat. mourir. Est-ce que je crois en Dieu? Je sais pas. C'est Lamennais, ce croyant, qui a fait ce que je suis. Qui va là? Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais sur la barricade, toi? Viens me voir, tu chantes. Passer de Lamennais à l'anarchie, tu comprends ça, toi, petit chat? Oh, quelqu'un vient. C'est moi, c'est Marie. Ils sont allés chez toi. Ils ont pris ta mère. Quoi? Je vais me rendre. Tu sais ce que tu risques. Le peloton d'exécution, le mur du Père Lachaise. Je dois vite y aller, il risque de lui faire signer n'importe quoi. Elle ne sait ni lire ni écrire. On se retrouvera, ma sœur. À Londres, à Rome, à Berlin. T'inquiète pas pour moi. L'étincelle gagnera le monde. Tu sais où elle est? Près du chemin de fer de Montmartre, au bastion 37. Il y a un dépôt de prisonniers. La commune aura duré 72 jours. Les Versaillais ont tué 30 000 Parisiens. Louise Michel est détenue à la prison des chantiers à Versailles. C'est le général Galifet qui l'a arrêtée. Les Buttes-Chaumont et le quartier Oberkampf tombent en dernier. Théo Ferré est arrêté. En tant que délégué à la Sûreté Générale, il est accusé d'avoir appliqué le décret dit des otages. Pour un mort fédéré, c'est 3 otages versaillais exécutés. Une centaine ont été fusillés. Le conseil de guerre l'a condamné à mort. Louise Michel tente d'obtenir sa grâce. Théo. Le plus dur, c'est de cacher mon chagrin. Que ma mère s'inquiète. Hier... Oh. Ils l'ont repoussée quand elle s'est présentée derrière les grillages de la prison. La pauvre femme, elle me tendait une bouteille de café. Je l'ai jetée à la tête du gendarme, finalement ils l'ont laissée entrer. Elle m'a encore répété qu'à part mes idées révolutionnaires, elle n'a jamais eu à rougir de moi. Que je suis extrêmement tout. Ses yeux brillaient. 9 octobre 1871. Assise par terre dans une grande cellule au milieu d'autres prisonnières, Louise Michel, serrée dans son châle rouge, voit entrer Marie, venue la voir de Paris. Viens dans mes bras, oh ma douce, ma sœur. Je t'attendais avec impatience. Pleure pas. Tu vois bien, on m'a pas encore fusillée. Quand je suis arrivée, on m'a dit on va le faire tout de suite. Puis on m'a dit c'est pour ce soir. Puis c'est pour demain, et tu vois, je suis encore là. T'arrives encore à rire. Et toi, dis-moi. Depuis que Théo a été arrêté, tu sais, notre mère... Ah, une souris. J'aime bien les voir là, moi. Alors, tu disais, ta mère. Oui, après ce qui s'est passé, quand il cherchait Théo chez nous et menaçait de m'emmener à sa place, elle a lâché son adresse pour me sauver. Elle a perdu la tête. Elle a Sainte-Anne. Pauvre femme. Et Théo? Il est brave, comme toi. Au procès, il a dit au vainqueur de prendre sa tête, qu'il avait vécu libre et entendait mourir de même. Tu l'as vu? Il va bien, juste un peu souffrant. Qu'est-ce qu'il a? Rien, il tousse un peu. Louise, j'ai tellement peur. Écoute, Marie, j'ai parlé de Théo à mon avocat. J'ai dit comme il avait regretté l'assassinat des généraux le 18 mars, comme il m'avait calmée quand je voulais assassiner Thiers. Il en a parlé à Victor Hugo. Tu sais comme il m'aime, ce cher maître. Tu vas lui porter une lettre. Où est-ce que j'ai caché ça? Voilà. Cher maître, je vous envoie la sœur de Ferré, le meilleur d'entre nous, le plus généreux dans le triomphe, le plus fier dans la défaite. C'est pour cela qu'on l'a condamné à mort. Sauvez-le. Le temps presse. Je le remets entre vos mains. À vous la gloire d'être seul vivant et juste dans ces ruines. Sauvez-le. Nous vous en supplions. Victor Hugo, tu crois? Il peut faire quelque chose? Il a déjà sauvé 3 filles d'ici. L'adresse? T'as son adresse? Attends, j'ai sa dernière lettre quelque part. Voilà. 66 rue de la Rochefoucauld. Pleure pas, je te dis. Théo va pas mourir. Nous vivrons, Marie. Va vite. Va vite. Gardien. Au citoyen Théo Ferré. Valser, valser comme des folles, pauvres feuilles, valser, valser. Voilà le refrain que j'entendais ce matin. Autrefois, j'ai beaucoup aimé cette valse, mais jamais elle ne m'a brisé le cœur ainsi. Qui sait ce qu'il y a de plus réel, du rêve ou de la vie? Faites-moi le plaisir de me dire franchement s'il est vrai que vous soyez malade. C'est le moment de vivre. Louise Michel. Novembre, 6h du matin. Chère citoyenne Louise Michel, je vais bientôt quitter toutes les personnes qui m'ont été chères. Je serais un ingrat si je ne vous manifestais pas à ce moment toute l'estime que je ressens pour votre caractère et votre bon cœur. Plus heureuse que moi, vous verrez luire des jours meilleurs. Adieu. Je vous serre fraternellement la main. Votre tout dévoué Théophile Ferré, au terme de ses jours. Qu'est-ce que je croyais ? Que la voix d'une prisonnière, une femme haïe qu'on cherche à déshonorer, serait entendue ? Ah, mes camarades, mes frères. Ils ont pris la vie de Théo, ils peuvent prendre la mienne. C'est fini. Victor Hugo, cher maître, m'envoie ce poème. Il m'est dédié. Ma dernière joie. Tu faisais ce que font les grandes âmes folles, ceux qui savent tes vers mystérieux et doux, tes jours, tes nuits, tes soins, tes pleurs donnés à tous, ta bonté, ta fierté de femme populaire, l'âpre attendrissement qui dort sous ta colère. 16 décembre 1871, le procès de Louise Michel s'ouvre à Versailles. 43 000 personnes ont été arrêtées, dont un millier de femmes et 538 enfants. Pour la plupart des artisans, cordonniers, ouvriers du livre, maçons, mais aussi des enseignants, avocats, architectes, une centaine de condamnations à mort ont été prononcées. Parmi elles, celle de Théo Ferré, exécuté le 28 novembre au camp de Satory. Louise Michel est inculpée d'attentat contre le gouvernement, d'excitation à la guerre civile, de complicité d'arrestations illégales suivies de tortures et de morts. Le colonel Delaporte préside le conseil de guerre. Louise Michel comparaît, toute de noir vêtue. Vous avez entendu les faits dont on vous accuse. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Je ne veux pas me défendre. J'appartiens tout entière à la révolution sociale et j'accepte la responsabilité de tous mes actes. Reconnaissez-vous avoir participé à l'assassinat des généraux le 18 mars? Ils étaient prisonniers et je n'ai pas compris qu'on les ait fusillés. Je regarde cet acte comme une insigne lâcheté. Êtes-vous complice d'avoir voulu renverser le gouvernement? Assurément, oui. Puisque la Commune voulait avant tout la révolution sociale et que c'est le plus cher de mes vœux. Je me fais honneur d'être l'un de ses promoteurs. La Commune n'est pour rien qu'on le sache bien, dans les assassinats et les incendies. Et la proclamation, monsieur le président? Oui. Dans une proclamation, vous avez dit qu'on devait toutes les 24 heures fusiller un otage? Non, j'ai voulu seulement menacer. Vous écriviez dans des journaux qui demandaient la confiscation des biens du clergé et la réquisition des logements inoccupés. Telles étaient vos opinions? En effet. Remarquez que nous n'avons jamais voulu prendre ces biens pour nous. Nous ne songions qu'à les donner au peuple pour le bien-être. Et n'avez-vous pas porté plusieurs fois un costume d'homme? De garde nationale, une seule fois, le 18 mars, pour pas attirer l'attention. Mais pourquoi me défendre? Rien de ce que je peux dire ne changera votre sentence. Vous êtes des hommes qui allez me juger. Moi, je ne suis qu'une femme. Et pourtant, je vous regarde en face. J'ai jamais voulu que le triomphe de la révolution sociale. Un seul et dernier mot avant de m'asseoir, puisqu'il semble que tout cœur qui bat pour la liberté n'a droit qu'à un peu de plomb. Ne me laissez pas vivre. Je ne cesserai de crier vengeance pour mes frères tombés sur le champ de Satory. Je ne puis vous laisser continuer sur ce ton. J'ai fini. Et si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi. Louise. Louise Michel est condamnée à la déportation. La Troisième République mettra en œuvre de grandes réformes sociales pour l'école et le travail, mais en ce 28 août 1873, c'est une vaincue qui embarque à Rochefort sur le Virginie avec 3000 condamnés en direction de la Nouvelle-Calédonie. Ma mère est chez sa sœur, tout ira bien. Sa peine est terrible. La reverrai-je ? Nous n'apportons guère de bonheur à nos familles. Abolir la peine de mort, travailler seulement 10 heures par jour, interdire le travail des enfants, l'école et la culture pour tous, hommes et femmes, dans 100 ans, on trouvera cela normal. Si nous avions eu le temps. Dans la bataille incessante, on ne peut pas être libre. Quel beau navire, la Virginie. Mes premiers jouets, c'était des bateaux. Mon grand-père me disait, « Louise, nous allons faire ton navire bien solide, avec du cœur de chêne, et des hunes, et des haubans. Et on pourra carguer les voiles avec des câbles de gros fils, ce sera très beau. » Mais quand la réalité arrive, il faut continuer pourtant. Les matelots chantent, les câbles roulent, le pont craque. Le progrès va toujours. La révolution enfle les voiles. Et nous savons la devise des pirates rois des mers. Tourne ta proue au vent. Toutes les côtes sont à nous. Louise Michel, soldate de la Commune, de Christine Spianti, avec Louise Michel, Élise Caron, Clémenceau, Félicien Jutner, Théophile Ferré, Pierre Mignard, Marie Ferré, Chloé Chevalier, Germain Turpin, Sylvain de Guillaume, le président du tribunal, Jean-Luc Vincent, le jeune soldat, Nicolas Anoto, et les voix de Thomas Zuani, Nicolas Cartier et Ninali Sacco. Bruitage, Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage, Manuel Couturier et Nicolas Slimani, assistante à la réalisation, Claire Chéneau, réalisation, Sophie Haute-Picon. Vous écoutez France Inter, autant n'importe l'histoire. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur Louise Michel avec mon invité Xavier Gauthier. Je n'ai pas attendu les jours de canicule pour sentir nos corps qui brûlent. Nos langues en feu, mon prince, mon Dieu. J'entends nos membres qui crépitent du feu de la dynamite. Françoise Breut, Mes péchés s'accumulent sur France Inter, auteur d'Emporte l'histoire, réalisé par Juliette Gou, assisté d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Élise Christophe. Xavier Gauthier, l'expérience de la commune donc n'a duré que 7 semaines, écrasée dans le sang, dans cette fameuse semaine sanglante qui se termine le 28 mai 1871, environ 30 000 personnes exécutées. Louise Michel s'est battue jusqu'au bout, au cimetière de Montmartre, je crois. Oui, au cimetière de Montmartre, ça a été un grand moment pour elle. À la fois, elle était capable de tirer, de faire son travail de soldate, mais en même temps, elle était capable d'apprécier la beauté du clair de lune, la beauté des arbres en fleurs, parce que c'était le mois de mai. C'est tout à fait elle, ça. Elle aurait pu échapper à la répression, elle a réussi à s'enfuir, mais sa mère a été prise en otage et s'est donc constituée prisonnière pour faire libérer sa mère. Oui, là je crois qu'elle était un petit peu obligée, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas supporter l'idée que sa mère soit emprisonnée sans aucune raison. Évidemment, sa mère n'avait pas participé du tout, elle était plutôt réactionnaire, sa mère. Mais ce qui est extraordinaire, quand elle s'est livrée, ils auraient pu garder la mère et Louise Michel. Ils n'étaient pas spécialement généreux. Hein. Et elle a dit non, ma mère va rentrer et je vais l'accompagner jusqu'à la maison parce que c'est pas très sûr dans le coin. Hein. Voilà. Donc elle était extrêmement persuasive et elle a réussi à raccompagner sa mère et à revenir sagement à sa place de prisonnière. Et quand elle est arrêtée et conduite en prison à Versailles, ses premières pensées ne sont pas pour elle-même, mais pour Théophile Ferré, donc son compagnon d'armes condamné à mort. Elle va tenter d'obtenir sa grâce. Oui, ce qui était totalement impossible, c'était un des plus intransigeants de la commune, il ne pouvait pas être sauvé. Mais elle a essayé d'écrire à tous les gens qu'elle connaissait, même ceux qu'elle connaissait à peine, etc., pour le libérer en disant, son argumentation c'était « Ferré est innocent, c'est moi la coupable ». Ferré a eu plus de pouvoir qu'elle. Bien sûr, c'était un homme, il avait le pouvoir, elle non. Mais cette idée de se comparer en disant « c'est moi qui suis la plus coupable, c'est moi que vous devez frapper », il y a quelque chose, ouais, je dirais, d'un amour étrange pour lui. Louise Michel revendiquait le célibat, ne pas avoir d'enfant pour être libre. Est-ce que pour autant elle était chaste ? Alors, c'est une vraie question. On l'appelait la Vierge Rouge, ça a été son surnom le plus couramment employé. En fait, quand elle a rencontré Victor Hugo, qui s'attaquait à toutes les femmes qu'il voyait, il y a dû y avoir quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Oui, il l'a mis sur la liste de ses maîtresses. Sur son journal, il y a un petit N. En général, N, ça veut dire nu. Il y a même des gens qui ont soutenu qu'elle aurait eu un enfant avec lui, une fille. Victorine. Bon, Victorine, absolument. C'est pas totalement impossible, ça paraît invraisemblable, mais c'est pas totalement impossible. Avec Théophile Ferré, là, ça paraît vraiment impossible, étant donné le rapport qu'ils avaient l'un pour l'autre. Beaucoup d'estime, c'est sûr, mais de la part de Théophile Ferré, c'est tout. Et aussi, on a dit qu'elle était lesbienne, qu'elle était homosexuelle. Elle a eu des rapports très très intenses avec Marie Ferré, qui certainement était en fait Marie Laurent, et elle a vécu pendant des années avec Charlotte Vauvel, et quand elle écrit c'était en Angleterre, elle a vécu en Angleterre, à Londres, pendant des années avec Charlotte Vauvel, et quand elle écrit des lettres, elle dit « Les amitiés de ma jeune compagne, de Charlotte, ma jeune compagne ». Jeune compagne, sans doute, aussi avec Nathalie Lemel, on l'a accusée d'homosexualité quand elle était en Nouvelle-Calédonie, parce qu'elle était dans la même case que Nathalie Lemel, et elle avait, chaque fois, une relation très très forte à ces femmes-là. Maintenant, on ne saura jamais. On ne saura jamais, voilà, s'il y a eu effectivement une sexualité de Louise Michel. Pour en revenir à la politique, quel était le positionnement de Louise Michel par rapport à la violence? Quand même, elle a imaginé un plan d'assassinat de Napoléon III. On l'a entendu pendant la Commune, elle se propose de tuer Thiers. Elle reconnaît aimer les armes. Est-ce que ça fait partie de sa ligne politique? Est-ce qu'elle est anarchiste, violente? Oui, oui, oui, tout à fait. Et elle a soutenu les anarchistes qui ont posé des bombes par la suite. L'idée, c'est que ces gens s'attaquent aux monstres, ce qu'elle appelait les monstres. C'est quoi le monstre ? Le monstre, c'est la société capitaliste, c'est la société injuste, la société ogresse, voilà. C'est des mots qu'elle employait comme ça, encore plus que capitaliste, c'était ogresse. Ces poseurs de bombes sont des tueurs de monstres, donc ils sont dans le droit chemin. En même temps, c'était une femme qui défendait toujours les plus faibles. Et quand son positionnement politique n'est pas toujours extrêmement tranché, on peut dire que c'est une blanquiste, c'est elle qui prononcera l'éloge funèbre de Blanqui, voilà. Mais je crois qu'elle a sa position politique très à part, très à elle, très particulière, et que moi je résumerai d'un mot, et elle le dit d'ailleurs, c'est la politique du cyclone. En Nouvelle-Calédonie, elle a vu des cyclones, c'est génial, c'est ça la révolution. Oui, en Nouvelle-Calédonie, elle aurait pu passer des années à pleurer et à déprimer, comme beaucoup de déportés. Elle profite de cette occasion pour découvrir la Nouvelle-Calédonie, les Kanaks, pour parler leur langue. Elle découvre une culture, elle s'intéresse à la nature, elle devient zoologue presque. C'est étonnant, cette curiosité, cette capacité d'adaptation de Louise Michel. Tout à fait, l'intérêt pour les Kanaks est extraordinaire parce qu'à l'époque on considérait que c'était à peine des êtres humains. Elle a même réussi à leur donner, à donner des cours à des hommes Kanaks. Elle a été institutrice à Nouméa et elle a donné des cours aux Kanaks en disant ils sont très intelligents, ils apprennent très très vite. Voilà. Bon, par contre, il faut quand même dire que elle a pris quelquefois ses désirs pour des réalités, c'est-à-dire qu'elle raconte les tribus Kanak, qu'elle va la nuit, elle rencontre des tribus Kanak avec les petits-enfants, etc. Or, il n'y avait aucune tribu Kanak sur la presqu'île Ducasse, là où étaient les déportés. Mais elle a rêvé de ça, elle voulait aller dans les tribus. Bon, elle n'a pas pu y aller. Louise Michel ne reviendra en France qu'en 1880, après l'amnistie générale des communards. Elle va continuer pendant des années à militer, à faire d'épuisantes tournées de conférences, et elle meurt le 9 janvier 1905, à 75 ans dans la misère, gardant toujours sa conviction dans un avenir radieux. La révolution sera la floraison de l'humanité comme l'amour est la floraison du cœur. Oui, c'est magnifique ça. Alors je crois que c'est sa particularité, parce qu'il y a eu quand même un certain nombre de femmes qui ont participé aussi à la Commune, mais elle, c'est ce verbe fleuri, magnifique, très fort. Merci beaucoup Xavier Gauthier. Votre biographie de Louise Michel, La Vierge Rouge, est disponible aux éditions de Paris, Max Chaleil, et chez le même éditeur, vous avez publié La Correspondance Générale de Louise Michel, Je vous écris de ma nuit. Autant n'importe l'histoire est fini pour ce soir. C'était une rediffusion. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, nous serons en compagnie d'une autre femme remarquable dans un domaine en apparence plus frivole, la mode, avec la couturière Madeleine Vionnet, longtemps oubliée. Pourtant, c'est elle qui, avant même la guerre de 14, libéra les femmes du corset et inventa pour elle un style qui se voulait intemporel. Madeleine Vionnet ou la haute couture libre, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire.